Elle t'a donné son cœur, elle t'a donné son corps, elle t'a donné son amour, mais toi t'es qu'un bâtard. T'es parti voir ailleurs, tu penses trouver meilleur. Aujourd'hui t'es perdu, t'arrives pas à l'oublier. Y'a Omri Dignot Dour, ma Omri Nkhali Tlour. T'es neuf, je suis fiant, t'es neuf, je suis fiant, t'es neuf, je suis fiant, t'es neuf, je suis fiant, t'es neuf. L'amour m'a un désir, bris ton terme de Kalkhamar. Couché bleu mec tout, le passé Khali tout. Son corps, elle t'a donné son amour, mais toi t'es qu'un bâtard. T'es parti voir ailleurs, tu penses trouver meilleur. Aujourd'hui t'es perdu, t'arrives pas à l'oublier. Elle t'a donné son cœur, elle t'a donné son corps, elle t'a donné son amour, mais toi t'es qu'un bâtard. T'es parti voir ailleurs, tu penses trouver meilleur. Aujourd'hui t'es perdu, t'arrives pas à l'oublier. خليهم يدريو للطعم ما يعرفوهاش خليهم يمشيو انا حداها ما نخليهاش فهميني ما تخلينيش كلبك ما نقدر اش بدي ندير الحب الخطر ديني معاك عمري ديني معاك ما تخلينيش ما نصيبش جوج بحالك قلبي يبكي خوات الدار ضيعت سنين وانا نفكر فيك يا راني عييت اش بدي ندير كي نفكر فيك انا قلبي يبكي خوات الدار ضيعت سنين وانا نفكر فيك